C'est à qui ? C'est à moi. Je voudrais 1 kilo de tomates, s'il vous plaît. Avec ça ? Des pommes. Combien ? 1 kilo. C'est tout ? Non. Je voudrais des fraises. C'est pour une tarte. Et avec ça ? C'est tout. Je vous dois combien ? 13,50 €.